6A. Allô, Lucie? Oui, bonsoir Fabienne. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu l'heure? Ouais, je suis désolée de te déranger, mais il faut que tu m'aides. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave? Ben, je sais pas encore. Le problème, c'est que je suis là, dans la rue, à Avignon. Il est bientôt 1h du matin et je n'ai pas un sou en poche. Quoi? Écoute, tu sais, je suis partie à Avignon pour le concert de Billy Combe. Oui, et tu devais y retrouver des amis, non? Oui, Maxime devait venir me chercher à la gare. Mais à mon arrivée, il n'y avait personne. Et tu n'avais pas son numéro de téléphone avec toi? Oui, mais dans le train, je me suis endormie et à l'arrivée, mon téléphone avait disparu. Avec tout mon argent. J'avais demandé à une dame de surveiller mon sac, mais elle est descendue sans me réveiller. Oui, oh, c'est elle qui a tout pris. Et comment tu m'appelles, là? Bah, il me restait 2 € en poche. J'ai trouvé une cabine à pièces dans un bar. Ça m'a pris 1 heure. J'ai bien demandé à un monsieur de me prêter son téléphone portable, mais il a refusé. Et les téléphones à pièces, ça a presque disparu. Mais je comprends pas. Tu n'avais pas une réservation d'hôtel pour cette nuit? Si, enfin, c'est mon ami Jimmy qui devait s'en occuper. Et comme je n'ai pas pu le contacter, il faudrait que tu entres sur messagerie internet et que tu retrouves le mail que Jimmy m'avait écrit. Il doit y avoir son numéro de téléphone. Il faudrait que tu l'appelles pour qu'il vienne me chercher. Mais fais vite, s'il te plaît.